blanchissant les murs du temps, décollons vers le futur. Explorons l'univers avec un des carburants, nous filons à toute allure. À bord de notre vaisseau mère, nous trois peuples emparés dans nos galaxies lointaines, vivons en paix, toujours joyeux. Laponien aux grandes oreilles, Arcadien aux longues antennes, Titanien aux trois yeux. Au congrès scientifique de la Confédération,